Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate, pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Bienvenue dans la nuit des temps, Do the Right Thing. Vous êtes sur Radio Dio. I've got $14 in my wallet. Open my case up, cause I ain't ballin' yet. See all the ladies, Saks Fifth Avenue is where they pay me loans for my show. I've got $14 in my wallet. Open my case up, cause I ain't ballin' yet. See all the ladies, Saks Fifth Avenue is where they pay me loans for my show. Feel like I belong to the streets. I work to make ends meet. Inside my mind, I might just fly. Take all my change, throw in the sky. I go where the money go. I relocate to the snow. Here in mines, will I survive? Playing the game, playing the card. I've got $14 in my wallet. Open my case up, cause I ain't ballin' yet. Not yet. Panorama, you see all the ladies. Saks Fifth Avenue is where they pay me loans for my show. Somebody put me in the studio. Cause I never had a plan B. I see myself on stage with my friends and my family. Just a bit of love in the room. Radio run coming soon, soon, soon. I've got $14 in my wallet. Plus one business card and I'ma call it now. Right now. Mika Davis est né à Kingston, et ça c'est pour faire le lien avec l'émission précédente avec Ghetto Vibes, mais il vit aujourd'hui aux États-Unis et il sait jouer de la batterie, du piano, du saxophone et de diverses boîtes à rythme. Son nouvel album est une merveille de cool. Son nom de scène, c'est Masego, et c'est notre powerplay de la semaine. Un son parfait pour ouvrir les portes de la nuit des temps et écouter si notre bonne vieille copine Janelle Monet est en forme. Elle, elle est toujours portée sur la basse. Nous sommes en 2023. Non, non, I'm not the same. think I done changed. Yeah. It's hard to look at my resume, and I find a reason to toast. She throwing a thing in a circle, making it viral. I might just a loaf. Say, listen, lil' mama, you like shibari? Watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me. I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies. They are not who they pretend to be. I had to protect all my energy. I'm feeling much lighter now. I look, float on to my floor. They hanging on to that goose down in my cup. Float on to my floor, on them just float. I don't step, I don't walk, I don't dance. I just float, float, float, float. I don't dance, I just float, float, float, float, float. I just float. I wear the tire, check out the robe. I'm fresh like a pope. I'm doing my dance on catamarans and you got a coat. I'm counting my blessings, we ain't stressing, just look at this glow. I got that magic, I'm really prepared for whatever, whenever, so who wants to smoke? Came back from the future to take all y'all niggas and take all y'all hoes. They said I was bi, yeah baby I'm bi, a whole nother coast. She stay in the hills, he stay in Atlanta, I pay for them both. My face card don't come with a limit, I swipe it, I spin it, I swear I be doing the most. Look, float on my floor, on this float. They hanging on to that goose down in my cup. Float on to my floor, on them just float. I don't step, I don't walk, I don't dance. I just float, float, float, float. I don't dance, I just float, float, float, float, float. Janelle Monáe n'est pas seulement une géniale musicienne ou une militante des droits civiques, elle est aussi comédienne et on l'a vu en 2016 dans le merveilleux Moonlight de Barry Jenkins ou encore dans À couteau tiré, le second volet signé par Ryan Johnson en 2022. Deux films hautement recommandables pour les longues soirées d'hiver qui tardent bien à venir. Bon allez, on quitte le Kansas, cette fois pour New York et plus précisément Harlem. Mais attention, c'est le Harlem latino de 1967. Voici Johnny Colon et son Boogaloo portoricain. Produit par le génial George Gardner, le boss de Tycoon Records, ce Boogaloo 67 s'est vendu, tenez-vous bien, à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Ça, oui, c'est l'effet du Boogaloo, c'est l'effet du I like it like that. Well, you say that I don't treat you right, and La nuit des temps, l'international de la danse. La nuit des temps, Radio Duo. Tocco piano piano. cosa salimi. Scioglilo per noi, nel tuo senso in più. Morbida, diavola che scivola, con un fuoco in più, notte accesa tu. Il mio cuore zucchero, rosso con le mandorle, rapinosa, mordilo. Offriti in bocca, la bocca tua albicocca. Offriti al naso, la bocca tua di raso. Fagan, Walter Brecker, Steely Dan, tous ces sons des années 70 puisaient dans le jazz pour créer une nouvelle modernité. Et ce son était associé à l'explosion des radios FM aux États-Unis. Soudain, on avait la stéréo et un monde nouveau s'ouvrait. Joël Saracula, Londres, nous sommes en 2023. Self-realization obscured by our shame. I used to wish I had more status, couple more zeros by my name. Now I'm living in the moment, 'cause the future's all in vain. I learned to love my shame. It's true. Everybody has their dark side. They've got to keep under control. I learned to love my shadow, else I wouldn't have got this far. We were born together, we drifted apart. Acceptance don't come easy, we're always blue. miss me, send me. Bye bye, my love. Yeah, we had history, yeah, mystery. Bye bye, my love. When the rain pours and the thoughts roll by, wish you were in my life. When the game's on and they shoot that shot, wish you were in my life. I'm just holding on to you. Reminiscing. Bye bye, my love. Reminiscing. Maybe I got a job that got me in and out of state, so I can take it all and move to any kind of place. Baby, will you give me time of day? You will never left my mind astray, yeah. Reminiscing. Bye bye, my love. Reminiscing. Saxophone, batterie, guitare, composition, production, il fait tout lui-même sur ce second album. C'est Masego, Bye Bye My Love, et c'est notre power play de la semaine dans la nuit des temps. Et nous voilà à Düsseldorf avec Grand Brother. Errol Sarp et Lucas Vogel se sont rencontrés à l'Institut de musique et des médias en 2007. Alors que Sarp se concentre sur le piano, c'est son truc, lui Vogel, eh bien il se consacre au bidouillage électronique. Ils sont définitivement romantiques, ils aiment aussi la mélodie, ce qui n'est quand même pas une mince affaire dans l'électro et la techno. Ils planquent des dizaines de micros sur le caisson du piano pour mixer tout ça en son de percussion pendant les lives. On les connaît en France car ils ont signé la bande originale du film Hors Normes de Nakache et Toledano. What We See, et plus encore, voici Grand Brother et nous sommes en Allemagne en 2021. La nuit des temps, l'international de la danse. Somerville a commencé à militer chez ACT UP dès les années 80. Il a fait carrière avec sa voix de ténor aigu, aussi bien avec son groupe Bronski Beat, ou encore un peu plus tard en duo avec les Communards. Il a aligné un nombre invraisemblable de hits et aussi participé à dépoussiérer le disco en pleine période New Wave. Heureusement, les clubs gays étaient là pour dire fuck aux tenants du bon goût. Small Town Boy, Runaway, remixé ici par Arnaud Robotini, et nous sommes en 2018. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Un an plus tôt, en 1983, c'est Disco et Beurre de Cacahuète avec Gwen Guthrie, remixé ici par l'inégalable Larry Levan. Elle est chanteuse, mais aussi compositrice et a bossé pour Benny King, Sister Sledge, Martha Reeves ou Roberta Flack. Elle a aussi gagné sa croûte en faisant la choriste pour des jingles radio. Peanut Butter, sur le dance floor. Voici la grande Gwen Guthrie. I'm in love with you. Want you to love me too. Want you to be my man. Baby, understand. I'll never let you down. Always when you cry. Come on, spread yourself over me like peanut butter. Spread yourself over me like peanut butter, spread yourself over me like peanut Radio-Dio. said I work for a living. I have big, big fun whenever I can. Don't you understand? I work for a living. I have a real good time with friends of mine. Ça, c'est cadeau. Fonzie Fontaine. D'Aretha Franklin, de Luther Vandross, Mick Jagger, Brian Ferry, Chic, Diana Ross, Ray Charles, Steely Dan encore, David Bowie, Robert Palmer, Patti LaBelle, Michael Jackson, Lady Gaga. C'est Fonzie Fontaine, produit ici par le groupe Chic. On reconnaît la petite guitare de Nile Rodgers. Je travaille pour gagner ma vie. I work for a living. Un chef-d'œuvre de 1983. now. For a living. Mais oui, c'est en et avec chemise que nous allons refermer les portes de notre bon vieux club. Sur le dance floor de la nuit des temps ce soir, on a reçu, on a joué Masego et son saxophone en power play cette semaine. On a également accueilli la bassiste Janelle Moe et son dernier album qui tourne en boucle sur nos platines. Johnny Colon et son Boogaloo. Il y avait Enzo Carella, l'Italien qui est bello. Joël Saracula, comme tout droit sorti des stations FM des années 80, le long des autoroutes californiennes. Le duo Grand Brother. Nono. Les Bronski Beats remixés par Arnaud Robotini. Toujours très 80s, Gwen Guthrie et Larry Levan. Et pour clore la session, Fonzy Fountain et Nile Rodgers. C'était la nuit des temps, ce club oublié avec sa station pirate plantée tout en haut d'une colline. À défaut de radio, vous pouvez nous suivre aussi sur le net, sur le site de Radio Duo ou encore sur Instagram à la nuit des temps 2. Les amateurs de direct, d'étoiles et d'ondes passantes, on se retrouve la semaine prochaine, même ciel, mêmes ondes, tous les jeudis, sur Radio Duo. Que la nuit soit douce. Et dans quelques minutes, on va se quitter avec un petit bonus spécial, comme à chaque fois, et cette semaine, ce sera Alan Parsons, justement, le son FM de la nuit par excellence. Nuit sur Radio Duo. Salut! like you. I wouldn't want to.